السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous. مرحبا بكم جميعا. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose d'être parmi vous via la radio afin d'étudier ensemble le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin d'étudier, de se rappeler la religion d'Allah azza wa jal. Et combien avons-nous, chers frères et sœurs, besoin de se rappeler, surtout en ces derniers temps, ces temps de trouble, wallahu al-musta'an. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Donc c'est un grand bienfait d'être parmi vous. Puis, je remercie aussi le Markez Al-Ghuraba d'avoir organisé ce séminaire. Je remercie aussi ceux qui y participent, parmi les mashayikhs et les étudiants en sciences et les prédicateurs, qu'Allah les préserve. Car comme il est venu dans le hadith d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Et le hadith est authentifié par Sheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ceci étant dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite et l'exactitude, ainsi que l'aide et la droiture. Comme on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans la parole et l'action. Et on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction dans ce séminaire et la bénédiction pour les étudiants en sciences ainsi que pour les musulmans. Amin. Pas besoin de vous faire un discours ou un cours sur l'importance de la science, car notre cher, qu'Allah le préserve, l'a déjà fait. Et ce n'est pas le sujet de notre cours aujourd'hui. Et le temps ne nous permet pas. Mais cela suffit à qu'on entende ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur qui descendait la révélation matin et soir. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, comme dans Surat Taha, verset 114, dans la traduction approximative, et dit: ô Muhammad, c'est-à-dire ô Muhammad, Seigneur, rajoute-moi de la science. Seigneur, rajoute-moi de la science. Et cela nous montre que si notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que la révélation descend sur lui et que ses péchés antérieurs et futurs sont pardonnés, et il est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le disait, sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de lui demander de lui rajouter de la science. Et ceci est une orientation et un conseil pour la communauté de prendre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi une orientation et un conseil qu'il n'y a pas une chose dont on prend soin de demander le plus, le rajout, si ce n'est la science profitable. Ni l'argent, ni le rang, ni la dunya dans sa globalité, mais la science profitable. Car la science, son compagnon, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala augmente son rang et le rend heureux dans ce bas monde et dans le delà. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs étaient les plus motivés dans la science et ont passé leur vie à l'étudier, à la comprendre ainsi qu'à la pratiquer. Qu'Allah nous facilite. Ceci étant dit, comme vous avez pu le voir, le sujet de cette conférence, Inch'Allah ta'ala, est l'explication de Sourate Al-Fatiha. L'explication de Sourate Al-Fatiha. Et du grand imam, le grand savant de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et cet imam, il fait partie des imams des gens de la sunna, comme vous le savez. Il fait partie des savants conseillers véridiques et sincères, et on le considère tel quel. Je pense qu'il est comme cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est son juge, et je ne fais les éloges de personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet imam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la bénédiction dans ses ouvrages, et il les a rendus bénéfiques, dû sans doute à la sincérité et à la véracité de cet imam. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la réussite à qui il veut. Et c'est pour cela qu'il a écrit, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a écrit beaucoup d'ouvrages qui sont très bénéfiques. Et à la tête de ces ouvrages, comme vous le savez, le livre connu, le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, ainsi que beaucoup d'autres livres, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la jurisprudence et aussi dans l'explication du noble Coran. Et comme le livre présent entre nos mains, celui qu'on va expliquer, qu'on va lire et expliquer, Inch'Allah ta'ala, c'est-à-dire l'explication de Sourate Al-Fatiha. Et certains savants ont dit, et retenez bien, Inch'Allah ta'ala, ce bénéfice, certains savants ont dit que la cause de cet écrit, c'est-à-dire l'écrit de l'explication de Sourate Al-Fatiha, est qu'on lui a demandé de le faire. Et celui qui lui aurait demandé était un gouverneur parmi la famille de Saoud, qui se nommait Abdul Aziz, fils de Muhammad, fils de Saoud. Il lui aurait demandé de lui faire l'explication de Sourate Al-Fatiha, et le cheikh a répondu à sa demande, et Allah est plus savant de cela, wallahu a'lam. Ce que je peux dire en introduction, qu'Allah vous préserve, c'est que cette noble sourate, Sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala l'a immensifiée dans son livre, le Coran, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette sourate la mère des sourates, la mère des sourates, l'ouverture du Coran, Fatihatul Kitab, l'ouverture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu son affaire importante et sa récompense énorme. Il a fait de cette sourate un pilier pour la prière. Et certes, les savants anciens et contemporains ont pris soin d'expliquer cette noble sourate due à son importance et à son énorme rang. D'ailleurs, l'imam Hamad al-Ansari a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: nous savons que cette sourate, chaque musulman la lit dans chaque unité de prière obligatoire ou surérogatoire. Si le lecteur médite sur la sagesse de cela et ses secrets, il se serait efforcé dans son apprentissage. Et il saurait quelle est la sagesse dans le fait que seulement cette sourate est répétée dans chaque unité de prière en dehors d'autres sourates du Coran. Fin de citation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré aux serviteurs dans leur prière de lire cette sourate dans chaque unité de prière. Et cette sourate, elle renferme beaucoup de choses importantes, comme cela viendra après, inshallah ta'ala, dans l'explication. Ce qu'on peut citer, brièvement, c'est qu'elle comporte les trois formes d'unicité. On reviendra, inshallah, à cela, dans le détail. Cette sourate, elle comporte les trois formes d'unicité, ce qu'on appelle la tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle comporte aussi la concrétisation et la réalisation de l'adoration. Elle comporte également la demande d'invocation dans la plus importante affaire de cette dunya et le bonheur dans l'au-delà qui est la guider. Et ihdinas sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Ainsi, la connaissance de cette sourate, la connaissance de cette sourate fait partie des plus grandes causes pour atteindre le khushu'a, ce qu'on appelle en arabe el khushu'a. Et on va revenir, inshallah ta'ala, à ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire, el khushu'a? Et qu'est-ce que ça comprend, inshallah ta'ala? Retenez-le déjà en arabe, el khushu'a. Donc, la connaissance de cette sourate, elle fait partie des plus grandes causes pour atteindre le khushu'a, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée dans la prière, et cela viendra, inshallah, dans l'explication, ou plutôt dans l'introduction de la parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et sachez que les savants ont certes immensifié et honoré cette noble sourate, comme l'a fait Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux ont écrit des ouvrages sur l'explication de cette noble sourate. Et l'un des meilleurs est celui de l'imam At-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a aussi celui de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que son élève Ibn Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et d'autres parmi les anciens, comme l'imam Ibn Kathir, et d'autres, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et parmi les savants contemporains qui ont expliqué cette sourate, il y a celui de l'imam Ash-Shinqiti, l'ancien, celui qui est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a celui aussi de l'imam Ibn Baz, et de celui de l'imam Al-Uthaymin, et du grand savant Salih Al-Fawzan, qu'Allah leur fasse miséricorde et préserve, Cheikh Salih Al-Fawzan. Et d'autres comme le grand savant aussi, comme on a cité tout à l'heure une parole de lui, l'imam Hamad al-Ansari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et quel est l'objectif? Pourquoi j'énumère tous ces savants? Ou pourquoi les savants, ils énumèrent tous ces savants? C'est pour, dans le but que l'étudiant en science, il sache l'importance que donnent les savants de cette sourate. Et afin qu'il ne se contente pas d'étudier seulement une seule explication de cette sourate, mais il convient plutôt d'étudier beaucoup d'explications des imams de la sunna et des savants de la sunna. Pour quel but? Afin d'obtenir beaucoup de bénéfices. Car il trouvera des bénéfices chez certains qu'il ne trouvera pas chez d'autres. Et c'est pour cela que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il lisait une dizaine d'explications dans chaque verset du Coran. Donc pour un verset du Coran, il lisait au moins une dizaine d'explications de ce verset. Et cela permet à l'étudiant en science, à la personne, l'augmentation de la compréhension de cette sourate. Elle permet l'augmentation de la compréhension de cette sourate. Et cela lui permettra aussi d'augmenter sa méditation. Ainsi que la certitude. Elle permet aussi d'augmenter la foi. C'est une des causes pour augmenter la foi. Et car cela est une chose demandée et un objectif dans la religion. Mais pour que cela se réalise, il faut la science profitable. Cela se réalise uniquement par la science profitable des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et des sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est important pour la personne de se remettre en question et d'inspecter son cœur. Écoutez bien, barakallahu fikum. Il est important pour la personne de se remettre en question tous les jours, à chaque instant. Il doit inspecter son cœur, qu'il regarde son augmentation de sa foi et de sa certitude. Et qu'il ne fasse pas de sa vie une routine, une habitude, comme la plupart des gens, comme les gens de la masse, en ce qui concerne sa prière et sa récitation. Mais il doit plutôt inspecter son cœur et se remettre en question. Et comme ça étaient les compagnons, qu'Allah les agrée, ils étudiaient la science afin que leur foi et leur certitude augmentent. Et plus sa foi va augmenter, et plus les incitations de son ennemi, le diable, diminuera. Et plus sa foi diminuera, et plus les incitations du diable augmenteront et prendront le dessus sur lui. Qu'Allah nous en préserve. Sachez qu'Allah vous donne la réussite. Que cette immense sourate a beaucoup de noms différents. Certains savants les ont dénombrés au nombre de 30. Mais en vérité, elle a des noms et des descriptions. Elle a des asma, des noms, et elle a des sifat, des descriptions. Et parmi ces noms, celle qui est connue, c'est Al-Fatiha. Al-Fatiha. On l'appelle aussi Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre. Fatihatul Qur'an, l'ouverture du Qur'an. Ummul Qur'an, comme on a vu tout à l'heure, la mère du Qur'an. Surat Al-Hamd. Pourquoi on l'appelle Surat Al-Hamd? Parce qu'elle commence par Alhamdulillah. On peut dire aussi Surat Alhamdulillah. As-Sab'u Al-Mathani, en arabe. On va voir ce que ça veut dire après, Inch'Allah Ta'ala. As-Sab'u Al-Mathani, c'est-à-dire les sept versets que l'on répète. On l'appelle aussi Ash-Shafiya. Ash-Shafiya. Hein? Pourquoi? Parce que c'est une cause pour la guérison. On l'appelle aussi Al-Qur'an Al-Azim, le Coran sublime, glorieux. Et on l'appelle aussi Al-Kafiya, celle qui suffit. Et d'autres noms. Et pour chaque nom, il y a une preuve du Coran et de la Sunna. D'ailleurs, je vous invite, Inch'Allah ou Ta'ala, à regarder dans les différentes explications de cette noble sourate afin de connaître ces noms. C'est important, Inch'Allah ou Ta'ala. Et cette noble sourate a été révélée à Mecca, selon l'avis correct des savants, parce qu'il y a une petite divergence. Mais l'avis correct, Inch'Allah ou Ta'ala, c'est que c'est une sourate mécoise. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné les sept versets que l'on répète ainsi que le Coran sublime. Et ce verset, il se trouve dans quelle sourate? Dans sourate Al-Hijr. Et cette sourate, sourate Al-Hijr, est une sourate mécoise. D'accord? Donc c'est une preuve. Et aussi la prière, elle a été légiférée à la Mecque. D'accord? Car Surat al-Fatiha est un pilier de la prière. Donc c'est aussi une preuve que Surat al-Fatiha est une sourate mécoise. Et à titre de bénéfice, le sens dans le verset cité auparavant, c'est-à-dire nous t'avons certes donné les sept versets que l'on répète, ce qu'on appelle As-Sab'a, ou Sab'an min al-Mathani, qu'est-ce que cela signifie? Elle signifie un des deux sens, comme le disent les savants. Le premier sens est qu'il a été appelé Al-Mathani, car elle se répète dans chaque unité de prière, car c'est un pilier de la prière. Et si elle n'est pas récitée dans la prière n'est pas acceptée. Car dans la prière, il y a des piliers, et il y a des obligations. Et les piliers de la prière, si tu ne pratiques pas un seul des piliers, la prière n'est pas acceptée. Et donc, la récitation de Surat al-Fatiha dans la prière, c'est un pilier. Le deuxième sens que donnent les savants, c'est qu'elle comporte les éloges d'Allah. Pourquoi on l'appelle Al-Mathani? C'est parce qu'elle comporte les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'aucune autre sourate ne comporte. Qu'aucune autre sourate ne comporte. Voilà ce qui a été dit dans le sens du verset. Et la plupart des savants sont d'avis du premier sens. Wallahu a'lam. Le nombre de versets de cette sourate est au nombre de 7. Et on reviendra sur ça, Inch'Allah Ta'ala, parce que les savants, ils ont divergé sur ce qu'on appelle Al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce qu'elle fait partie de cette sourate ou pas? On reviendra, Inch'Allah Ta'ala, dans la parole du Cheikh, ou quand on expliquera, Inch'Allah Ta'ala, Al-Basmala. Ce qui montre les mérites de sourate Al-Fatiha, aussi, c'est qu'elle contient les trois formes, comme on a dit tout à l'heure, les trois formes d'unicité. On va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, brièvement, cette chose importante. Donc, parmi les enseignements qu'on peut tirer de cette sourate, hein, les points importants liés à cette sourate, et ce qui prouve son éminence, ce que les ulama ont mentionné comme sens sublime, qu'elle contient parmi elles, donc elle contient l'affirmation des trois types de tawhid. Donc, le tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, de même que dans sa qualité de Seigneur, c'est-à-dire le tawhid de la Seigneurie, et d'affirmer le fait qu'il se singularise par les noms les plus beaux qui sont les siens et les attributs de perfection absolue tels qu'il convient à sa grandeur et à sa majesté. Donc cette sourate, elle contient l'affirmation des trois types de tawhid. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange à Allah, Seigneur de l'univers, cela concerne le tawhid de la Seigneurie. Et retenez bien cette faïda, inshallahu ta'ala, ce bénéfice. Tandis que quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Maliki Yawmiddin, elle est liée au tawhid des noms et des attributs. Elle est liée au tawhid des noms et des attributs. Et quand tu dis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous appellerons le secours, elle fait mention du tawhid de l'adoration. Donc nous retrouvons donc les trois types de tawhid. Naam. On retrouve aussi, parmi les bénéfices, l'affirmation de la mission prophétique. Étant donné que, quand tu dis « Seigneur de l'univers »« Alhamdulillahi Rabbil Alamin » elle contient l'affirmation de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui touche l'ensemble de sa création. Ce qui implique qu'il ne délaisse pas ses serviteurs sans leur indiquer ce qui contient leur réforme. Or, l'envoi des messagers compte parmi les plus grandes causes de cette réforme. De même que, quand tu dis « Ihdina as-sirata al-mustaqim » guide-nous sur le droit chemin, étant donné que ce dernier ne peut être éclairé qu'en suscitant des messagers, qu'Allah leur accorde ses éloges et son salut, les diverses missions prophétiques sont donc établies dans cette sourate. Il y a beaucoup d'autres bénéfices à citer, inshallah ta'ala, mais on se contentera de cela. Ceci nous indique qu'il est indispensable pour le musulman de percevoir et de se rappeler l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa globalité, durant toute sa vie. C'est pour cela que si nous méditons dans certaines prières, dont le musulman commence son jour par celle-ci, et il termine par celle-ci aussi, nous trouverons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré sur la langue de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par son action de lire les sourates de l'unicité. C'est-à-dire après, lire Al-Fatiha, lire les sourates de l'unicité. Et le but de cela est que le musulman se rappelle constamment de l'unicité durant toute sa vie. Par exemple, il commence son jour par l'unicité en récitant ou en priant par la sunna du Fajr. La sunna du Fajr. Qu'est-ce qu'il lit après Surat al-Fatiha dans la première unité? Il lit Surat al-Kafirun. Il fait partie de la sunna de lire Surat al-Kafirun. Et elle contient l'unicité de l'adoration. Et il lit dans la deuxième unité Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Et cette sourate contient toutes les formes de tawhid. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais ces deux unités de prière, même en voyage. Et cela nous montre que le musulman, il doit se rappeler l'unicité durant toute sa vie. Et même quand il termine son jour en priant le witr, il commence son jour par la sunna du fajr et il finit par le witr. En lisant aussi les sourates de l'unicité dans le witr. Qul huwa Allahu ahad, par exemple. Donc après chaque prière, il lit ses sourates. Et pareil, il peut lire aussi, en dehors des prières, dans les invocations par exemple, Ayat al-Kursi. Après chaque prière, et dans les invocations du matin et du soir, et avant de dormir, il peut lire Ayat al-Kursi. Donc dans les invocations du matin et du soir, il peut lire aussi les sourates, les trois sourates. Qul huwa Allahu ahad. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Quel est le but de cela? Tout cela dans le but que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala soit constamment avec le musulman. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle soit constamment avec le musulman jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les adorations, elles ont été légiférées pour des sagesses. Elles ont été légiférées pour des sagesses. Et pas de doute que le musulman, il doit faire ses adorations, même s'il ne connaît pas forcément la sagesse dans cela. Mais le fait qu'il le sache et qu'il apprenne, c'est pour ça que c'est important d'apprendre la science, cela ne fait qu'augmenter sa foi, son effort et sa science. Donc le fait que les trois formes de tawhid, elles sont présentes dans Surat al-Fatiha, c'est pour nous montrer à la fin que le fait que les trois formes de tawhid, elles sont présentes dans Surat al-Fatiha, c'est pour nous montrer le mérite et l'immensité de cette sourate, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a immensifié, il l'a rendu immense. Et comme nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, écoutez bien cette parole. Tout le Coran est regroupé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Tout le Coran et regroupé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous appelons secours. Fin de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Donc après cette brève introduction qui est importante, on va commencer inshallah ta'ala à lire donc l'épître du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui s'intitule Tafsir Surat al-Fatiha. En vérité, il a expliqué aussi juste après Surat al-Ikhlas et puis Surat Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, mais nous on va faire inshallah ta'ala Surat al-Fatiha. Donc le cheikh, il commence par une introduction qui a toute son importance. Il dit le cheikh, et on va traduire directement la parole du cheikh, car sinon ça risque d'être long. Donc pour celui qui veut suivre avec le metn, c'est-à-dire le texte, la parole du cheikh, il trouve ça sur internet, inshallah ta'ala, bien sûr en langue arabe. Donc le cheikh, il dit sache qu'Allah te guide dans son obéissance. Donc, i'lam arshadak Allah li ta'ati. Sache qu'Allah te guide dans son obéissance. Et te protège et soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. La première parole du cheikh ici, donc la méthode que cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il a utilisée, elle fait partie de la douceur et la compassion envers l'étudiant en science. Pourquoi ? Parce qu'il dit, sache. Il commence par sache qu'Allah te guide, il te fait des invocations. Et cela fait partie, comme j'ai dit, de la douceur et la compassion envers l'étudiant en science et envers celui qui lit sa parole. Et ceci fait partie des caractéristiques des gens de science, ce qu'on appelle ar-rabbaniyin, qui éduquent. Ils font partie certes des gens de la douceur et de la compassion. Et ceci fait partie des habitudes du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, car dans ses épîtres, dans ses différents livres, il invoque pour celui qui lit son épître ou pour celui qui a demandé d'écrire ou pour l'étudiant en sciences. Naam. Donc ça fait partie de ses habitudes, comme vous avez pu le voir dans les trois fondements, dans les six fondements, les quatre règles, etc. Donc le cheikh, il dit ici qu'Allah te guide dans son obéissance, c'est-à-dire qu'il te donne la réussite dans son obéissance. Et l'obéissance est dans le cœur et dans les membres du corps. Et ce qu'on appelle la grande obéissance est celle du cœur. C'est celle pour concrétiser l'unicité et la foi et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa crainte et son amour, ainsi que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres actions du cœur. Et il y a aussi l'obéissance avec les membres du corps, avec sa langue, avec sa langue et tous les autres membres en faisant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le remerciant, en accomplissant la prière, le hajj, ordonner le bien et interdire le mal, et beaucoup d'autres formes d'adoration. Le cheikh, il dit, et te protège. Ça, c'est la deuxième invocation. Donc, il a dit au début qu'il te guide dans son obéissance. Ensuite, il dit, et te protège. Pourquoi ? Car le serviteur, il a besoin constamment de demander à son Seigneur de le protéger. Car celui qui se suffit à lui-même est certes anéanti. Il est certes perdu. Et c'est pour ça qu'il est indispensable pour le serviteur de ressentir qu'il est faible, qu'il a besoin de son Seigneur. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait cela. Et il invoquait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, aide-moi et n'aide personne contre moi. Accorde-moi la victoire et n'accorde à personne la victoire sur moi. Use de stratagèmes pour moi et non contre moi. Guide-moi et facilite-moi le chemin de la droiture. Accorde-moi le dessus sur qui transgresse mes droits. » Donc le musulman, il ne doit pas être touché par l'arrogance, l'étonnement et la vanité par sa personne. Il est étonné par sa personne. Il pense qu'il n'a pas besoin de son Seigneur, qu'Allah nous guide. Car ceci fait partie de la faiblesse de la religion et de la raison. Mais plutôt la perfection dans la religion et la raison est que tu saches que tu es faible et que tu ressentes que tu es faible et que tu saches que tu as un besoin fondamental de ton Seigneur. Et comme ça a été les prophètes, et comme ça a été notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait à Allah subhanahu wa ta'ala constamment, que dire de nous ? Que dire de nous, Allahu musta'an. Le cheikh, il continue, il dit une troisième invocation, il dit, et sois ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi ? Car si ton Seigneur est ton allié, tu seras certes guidé et secouru. Et comment le serviteur peut-il obtenir cela ? La réponse est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun » En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien donné les conditions ici. Ceux qui croient et ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par la foi et le tawhid, hein, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu obtiens certes la guidée et le secours de ton Seigneur. Donc ici, dans le verset, quand il dit les bien-aimés d'Allah sont à l'abri de toute crainte, ils ont regroupé entre la concrétisation du tawhid, comme on a dit, et de la foi, et entre l'œuvre pieuse et le suivi de la sunna. Donc si tu concrétises, inshallah ta'ala, le tawhid et la sincérité, en pratiquant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ont ordonné, en suivant la sunna, tu seras certes alors sous la protection et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te secourra par des moyens sur lesquels tu ne comptais même pas. Donc le cheikh ici, en vérité, si vous regardez bien, il met en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, ceci comprend le fait donc, d'invoquer pour les musulmans et pour les étudiants en sciences. Donc les doigts, les invocations qu'il a dit le cheikh ici, elle fait partie aussi de la compassion, de la douceur. Et ceci est la caractéristique des gens de science. Ils ne sont pas orgueilleux et ni agressifs. C'est pour cela qu'il convient de suivre leur voie. Et ceci est la voie du cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans ses cours, dans ses livres, dans ses épîtres. Hein, il a des choses qui éduquent. Il vient avec des choses, hein, de la science qui éduque, une méthodologie qui éduque. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes, qu'Allah les guide, ils disent que les épîtres du shir, les livres du shir, ne concernent que le tawhid. Haja wa kalla. Pas du tout. Loin de là. Au contraire, quand tu regardes bien et tu médites bien et tu les étudies bien comme il faut, ils contiennent l'exhortation, l'éducation, le bon comportement. Et celui qui médite sur ces paroles, il comprend. C'est pour cela que son introduction est une introduction qui éduque, comme on va le voir. Une introduction remplie de bons comportements, plein de compassion, et elle montre l'état des savants envers leurs étudiants. Le cheikh, il continue, il dit, après avoir fait les invocations, il dit « Anna maqsouda salat » Donc il dit en français, le sens voulu ici est le khushu'a. On va dire plutôt d'abord, donc l'objectif ou le sens de la prière, son âme, on va traduire par son noyau, on va dire hein, son noyau, sont dit tourner son cœur vers Allah. L'objectif, le but de la prière, son âme, hein, de la prière et son noyau, sont dit tourner son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens voulu ici de la parole du cheikh est le khushu', ce qu'on appelle el khushu'. Tout à l'heure on l'avait cité en arabe, el khushu'. D'accord ? Et aussi ce qu'on appelle at-tuma'nina, l'apaisement. D'accord ? L'apaisement, hein, la tranquillité. Et il ne se détourne pas par le cœur. C'est-à-dire que le serviteur, quand il prie, il ne se détourne pas par le cœur et son esprit n'est pas préoccupé. D'accord ? Et il y a beaucoup de preuves à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge des croyants et il a mentionné leur succès. Et la première cause de leur succès après la foi est ce qu'on appelle le khushu' dans la prière. Et la preuve est dans surat al-mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset et dans le deuxième, « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, dans leur prière. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la foi, quand il a dit « Bienheureux sont certes les croyants, les mu'minoun, ceux qui croient. » Et ensuite par l'humilité. Il a dit « Ceux qui sont humbles dans leur salat, khashi'oun, ceux qui ont le khushu', c'est-à-dire ceux qui sont apaisés dans leur prière, Leurs cœurs sont présents. Ils ne sont pas distraits, ils ne sont pas inattentifs, mais plutôt ils sont concentrés dès l'entame de la prière. Dès qu'ils rentrent dans leur prière, ils luttent et combattent leur âme afin que leur cœur soit présent et attentif. C'est-à-dire qu'ils ne se détournent pas par le regard et par le cœur. C'est-à-dire que lorsque tu commences la prière, il ne faut pas que ton regard, il ne faut pas que tu regardes à droite à gauche. Et il ne faut pas aussi que ton cœur soit inattentif, soit distrait. L'importance ici, c'est qui ? Donc il y a deux sortes de détournements, par le regard et par le cœur. Donc il ne regarde pas dans sa prière à droite ou à gauche et que son cœur ne soit pas inattentif, distrait. Donc ce cœur n'est pas préoccupé par les choses de ce bas monde. Et parmi les preuves aussi, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en décrivant les pieux, en décrivant les gens pieux. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Qui croient en l'invisible et accomplissent la salah. Qui croient en l'invisible et accomplissent la salah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit, c'est dans surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, ils font la prière. Mais il a dit, ويقيمون الصلاة. Ils accomplissent. C'est-à-dire, la prière avec ses piliers, avec ses obligations, ses sunan, que tu pries en étant humble, que ton cœur et tes membres soient en tranquillité, et que tu ressentes ce que tu lis, et que tu ressentes que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ressentes que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça fait partie du khushu'a. C'est ça qu'on appelle al-khushu'a. D'accord ? Naam. Et la preuve aussi que la prière est un repos, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Bilal, lève-toi ô Bilal et repose-nous avec la prière. Lève-toi ô Bilal et repose-nous avec la prière. Et ce repos, il se réalise si le serviteur fait la prière avec humilité, avec tranquillité. Car la prière est le repos du musulman. Et tu ne trouveras pas le repos de l'âme dans les désirs de ce bas monde et ses délices. Mais tu la trouveras uniquement dans ta prière. Donc il ne faut pas que tu sois comme les gens de la masse. C'est-à-dire, ils disent Allahu Akbar. Et ça peut nous arriver à nous-mêmes aussi. Ils disent Allahu Akbar, mais ne savent pas ce qu'ils disent dans la prière. Du moment où ils prononcent Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'ils font takbiratul ihram. Le premier takbir dans l'ouverture de la prière, jusqu'à la salutation à la fin, en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah, son esprit est préoccupé par les choses de ce bas monde. Celui-là n'est pas apaisé dans sa prière. Et chacun doit se poser la question, comment il est dans sa prière tous les jours? Est-ce qu'il est parmi les gens qui sont humbles, qui sont concentrés, et que leur cœur il est présent, et qu'ils méditent, et ils réfléchissent? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas descendu le Coran, comme on avait dit à plusieurs reprises, surat al-Fatiha notamment, juste pour la lire, sans la méditer, et sans réfléchir, et sans l'apprendre, l'étudier. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat l'araignée, al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Tu vois beaucoup de musulmans prier mais faire des choses blâmables. Pourquoi? Car la prière qu'ils font ne possède pas l'humilité et l'apaisement, ne possède pas le khushu'a. Et une prière qui ne les préserve pas de la turpitude et du blâmable, qu'Allah nous guide. Tandis que celui qui fait sa prière avec humilité, avec apaisement, tranquillité, avec méditation, il n'y a pas de doute que sa prière va l'aider à s'éloigner de la turpitude et du blâmable. Ça va l'aider à s'éloigner du mal et des péchés. Et c'est ça le sens de la prière dans le verset, qu'Allah vous préserve. C'est pour cela que la connaissance de l'explication de Sourate al-Fatiha, elle fait partie des plus grandes causes pour que la prière soit faite avec khushu', avec humilité, avec apaisement, avec méditation. À ce moment-là, le musulman verra alors les fruits et les délices de sa prière dans sa vie. Naam. Le cheikh il dit وهو إقبال القلب على الله تعالى فيها. Le cheikh dit d'y tourner son cœur vers Allah. C'est-à-dire le sens de cela est que ton cœur ressente. C'est que tu te rappelles ce que tu lis. Des fois tu rentres dans la prière, par exemple que ce soit derrière l'imam, ou même toi-même tout seul à la maison, tu vas lire par exemple des sourates, tu vas lire sourate al-Fatiha et une autre sourate, tu vas même pas te rappeler de quoi tu as lu après la prière. Cela montre que tu n'es pas concentré, que tu n'as pas fait ta prière avec khushu'. Qu'Allah nous facilite, c'est une chose qui est difficile, mais ça se travaille. C'est pour cela qu'on apprend justement et qu'on étudie le sens, le tafsir, l'explication de sourate al-Fatiha. Donc le sens d'y tourner son cœur vers Allah, c'est-à-dire le sens de cela est que ton cœur ressente, que tu te rappelles ce que tu lis. Et ce que tu entends dans ta prière, du takbir, quand tu dis Allahu Akbar, en premier, hein, d'ouverture, et jusqu'à la salutation, jusqu'à la fin de ta prière. Et ceci est le sens de tourner son cœur vers la prière. Que tu ressentes que tu es devant ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que surat Al-Fatiha, elle commence par le rappel des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle commence par le rappel des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu te rappelles ses noms et ses attributs et que tu es devant lui dans sa prière. Et que tu es devant lui, hein, dans la prière. Donc le shaykh, il dit, ensuite, il dit, si tu pries sans la présence du cœur, c'est comme un corps sans âme. Regardez bien, il dit, si tu pries sans la présence du cœur, c'est comme un corps sans âme. C'est-à-dire, lorsque l'âme, elle sort du corps, elle devient inanimée. Ça y est, le corps, il bouge plus, il est mort. Ainsi est la prière dans le cœur, n'est pas tournée vers Allah. La prière dont le cœur n'est pas tourné vers Allah, une prière sans humilité, sans apaisement, sans méditation, hein, sans que le cœur soit présent, est comme un corps sans âme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Elle va être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikum, ce qui est important de comprendre, c'est que le khushu' dans la prière, c'est pas un pilier. D'accord? Le khushu', d'accord, dans la prière, c'est pas un pilier. C'est-à-dire que même si tu l'as fait sans khushu', bah, ta prière, inshallah ou ta'ala, va être acceptée. Mais par contre, comme on le verra plus tard, elle sera diminuée en récompense. Donc ici, comme on a dit, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Donc si tu pries sans que ton cœur soit tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras alors fait ton obligation. Mais tu n'auras pas profité de ta prière. Elle sera comme un corps sans âme. Qu'Allah nous préserve et nous réforme. Allahu musta'an. Le shaykh, il dit ensuite, après avoir cité cela, il dit, il nous rapporte, il nous dit, ceci est prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Ça c'est dans Sourate, donc c'est un verset dans Sourate Al-Ma'un. Dans Sourate Al-Ma'un. Donc ici il dit le cheikh, après avoir cité ce verset, écoutez bien. La négligence dont parle ce verset fut interprétée comme étant la négligence de son heure en la délaissant. La négligence de ses obligations dans la prière, mais aussi négliger la présence du cœur. Regardez bien les trois choses. Il dit que la négligence ici, hein, dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Malheur donc à ceux qui prient ». Ici, c'est les musulmans. Et il parle même des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala. « Malheur donc à ceux qui prient ». Tout en négligeant leur prière. Ici, la négligence, le cheikh, il dit, elle est interprétée comme étant la négligence de son heure en la délaissant. La négligence de ses obligations, mais aussi négliger la présence du cœur. Donc ici, le cheikh, il nous montre l'importance, inshallah ou ta'ala, que le cœur, hein, que le cœur doit être tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et que le khushu' doit être présent et que la personne fasse sa prière en son heure et qu'il ne néglige pas les piliers de la prière et les obligations et qu'il ne néglige pas aussi la présence du cœur. Et ici dans la dans le verset, on ne parle pas de la négligence dans la prière au sens que, par exemple, des fois c'est possible que tu oublies de réciter quelque chose, c'était possible que tu oublies de faire une unité de prière, ou que tu oublies de te prosterner, etc. Donc on ne parle pas de cette négligence-là. On parle de la négligence, comme il a cité le cheikh ici, c'est-à-dire par exemple en négligeant l'heure de la prière, ou les obligations, ou la présence du cœur. Le cheikh, il continue, il dit, et ceci nous est prouvé par le hadith rapporté par Muslim. Ceci nous est prouvé par le hadith rapporté par Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite. Il épie le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux cornes de Satan, puis il se lève et prie rapidement et n'évoque que très peu Allah. Et le cheikh, il nous le dit, ce hadith nous a décrit la négligence comme étant le délaissement de son heure. Quand il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il épie le soleil, donc il attend que le soleil se lève. Donc il délaisse la prière de son heure. Et ça, c'est très grave. Et ça, wallahu al-musta'an, c'est très grave. Il y a même certains savants qui disent que celui qui ne fait pas sa prière à l'heure, c'est-à-dire qu'il a délaissé de son heure, hein, par exemple, il prie la prière du dhuhr après le asr, il dit que celui-là, hein, il est proche de la mécréance. Il y a même qui disent qu'il est mécréant. Il y a une divergence ici, on ne va pas rentrer dans cela, Inch'Allah, mais c'est pour montrer que ça fait peur. Le musulman, il doit prendre garde, il doit faire attention. D'accord ? Donc ça, c'est la première forme de négligence. Le cheikh, il dit ensuite, la négligence que ce soit de ses piliers ou de ses obligations. Lorsqu'il dit dans le hadith, il se lève et prie rapidement. Donc il fait la prière très rapidement. Il n'y a plus de tranquillité, d'apaisement. Et la tranquillité, ce qu'on appelle tuma'nina, la tranquillité et l'apaisement dans la prière, ça c'est un pilier. Donc celui qui n'a pas cela, par exemple celui qui prie très rapidement, ben celui-là, sa prière n'est pas acceptée parce qu'il n'a pas respecté les piliers. Et la troisième négligence, et celle-là est très importante, la négligence du cœur. La négligence du cœur, lorsqu'il dit dans le hadith, et n'évoque que très peu Allah. Et n'évoque que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, elle regroupe les formes de négligence. Pourquoi ? Parce que le hadith ici, en fait, il explique le verset dans sourate Al-Ma'oud. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Donc ce hadith, il vient expliquer ce verset. Donc il attend le lever du soleil et il prie. Ça, c'est la première catégorie de négligence. Délaisser la prière en son heure, qu'Allah nous en préserve. Et ensuite, on a cité les deux autres. Le cheikh, il continue. Il dit, si tu comprends ça, donc si tu peux comprendre ça, alors comprends juste une seule forme de prière. Alors comprends juste une seule forme de prière. La récitation de la Fatiha, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ta prière une prière acceptée, aux récompenses multipliées et en effaçant les péchés. Donc ça c'est important. Parce que le cheikh il dit ici, si tu as compris cela, alors comprends juste une forme de prière. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit alors comprends juste une forme de prière? Hein? C'est-à-dire ici, les choses qui sont demandées dans la prière ainsi que yani ses fruits, elles sont au nombre de trois. Et retenez-les, Inch'Allah ou Ta'ala. Comme il a cité le cheikh. La première, c'est l'acceptation de cette adoration. L'acceptation de cette adoration. Donc de la prière par exemple. Et ceci, elle est basée sur la sincérité et le suivi de la sunna. C'est-à-dire que tu dois faire ton acte d'adoration, ta prière par exemple, pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah, tu dois la faire avec sincérité et avec le suivi de la sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié, comme dans le hadith. Priez comme vous m'avez vu prier. La deuxième chose, c'est la multiplication des récompenses. Et ceci est différent entre les gens, par rapport à leur khushu' dans la prière. Hein, il y a aussi les fruits espérés à travers la prière. Et ceci, pareil, est différent entre les gens. Parce que si la personne, elle prie avec khushu' et apaisement, avec un cœur présent, en méditant et en l'accomplissant comme Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète le veut, sallallahu alayhi wa sallam, alors elle sera une aide pour lui, comme on l'a vu. Elle sera une aide pour lui dans l'éloignement de la turpitude et du blâmable. Et elle sera aussi une aide pour lui dans ses épreuves, de la vie, dans sa tristesse, dans ses soucis. Tout cela sera une aide pour toi à la prière. Et toute forme d'adoration aussi. Hein? Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ya ayyuha alladhina amanu sta'inu bis sabri wa salah, inna allaha ma'as sabirin. » Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc la prière est une aide pour le serviteur, que ce soit dans ses affaires religieuses et mondaines. Mais ceci uniquement en complétant son khushu' et son apaisement dans la prière. Et la troisième chose que le shir a citée est que la prière efface les péchés. C'est que la prière efface les péchés. Et le sens de cela, bien sûr, sont les petits péchés. Sont les petits péchés. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les péchés commis d'une prière obligatoire à l'autre, du vendredi à l'autre, d'un ramadan à l'autre, sont effacés. À condition de ne pas commettre de grands péchés entre eux. Regardez bien. À condition de ne pas commettre de grands péchés entre eux. Donc ici, les petits péchés, ils sont effacés par la prière, à condition de s'éloigner des grands péchés. C'est pour cela que le cheikh, il dit, si tu comprends cela, si tu comprends l'importance de cette affaire, l'importance du khushu' dans la prière, elle comprend une forme de prière. Pourquoi le cheikh, il dit ça? Car si tu as compris surat al-Fatiha, elle va t'aider à obtenir le khushu' et à obtenir l'apaisement et la tranquillité dans la prière. Et à s'éloigner de la négligence. Elle va t'aider aussi à s'éloigner de la négligence. Et c'est pour cela, nous, qu'on apprend aujourd'hui le tafsir, l'explication de Surat al-Fatiha. C'est pour s'éloigner de la négligence. Et pour la faire avec khushu' et apaisement et tranquillité. Et c'est la lecture de Surat al-Fatiha. Le cheikh dit ici, c'est la lecture de Surat al-Fatiha. C'est-à-dire l'explication de Surat al-Fatiha, sa compréhension et sa méditation. Sa compréhension et sa méditation. Le cheikh, il continue, inshallah ta'ala, il dit dans sa parole, la meilleure clé qui t'ouvre la porte de l'explication de la Fatiha, c'est le hadith d'Abu Huraira, se trouvant dans le Sahih de Muslim, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés, et à mon serviteur ce qu'il aura demandé. Lorsqu'il dit, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit, le très miséricordieux, hein, le tout miséricordieux, donc celui qui fait miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur m'a honoré. Et lorsqu'il dit, le maître ou le roi du jour du jugement, Allah a dit, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous appellerons secours, dont nous appellerons secours, Allah a dit, c'est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsqu'il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, pas celui de ceux qui ont courte à colère, ni des égarés, ni celui des égarés, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est à mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. Et il aura ce qu'il a demandé. Donc ce hadith, il est authentique. Hein? Et il fait partie des mérites de cette noble surat. Il fait partie des mérites, hein, de cette noble de surat, non, de cette noble surat. D'ailleurs, on va lire, inshallah ou ta'ala, une parole d'imam l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Après avoir cité ce hadith, hein, il dit, dans le livre Madarij al-Salikin, il dit, le cheikh, étant donné que le fait de demander à Allah d'être guidé au droit chemin est la plus noble des aspirations, et en être gratifié le meilleur des dons, Allah subhanahu wa ta'ala a appris à ses serviteurs comment le lui demander. Il leur ordonna de débuter cela en le louant, en faisant ses éloges et en le glorifiant. Puis, en faisant mention de l'adoration qu'il lui voue et de l'attestation qu'ils font de son unicité, du fait que ce sont là deux moyens qui les mènent à leur but, à savoir le fait de se rapprocher de lui par ses noms et ses attributs, ainsi que par le fait de l'adorer. Avec ces deux moyens, qui sont tous deux cités dans la Fatiha, il n'est que très peu probable que l'invocation soit rejetée. La Fatiha a donc réuni les deux moyens en question, qui sont le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en le louant, en faisant ses éloges et en le glorifiant, et le fait de se rapprocher de lui en l'adorant et en attestant de son unicité. Après cela, vient ici le tour de la sollicitation de la plus éminente des aspirations, c'est-à-dire qui n'est autre que la demande de guider. Quand tu dis « Ihdina as-sirata al-mustaqim » et ce après avoir mentionné les deux moyens qui y amènent. Celui qui les utilise pour invoquer est donc plus en droit d'être exaucé. Fin de citation. À traduit selon le sens de sa parole. Naam. Donc, Inch'Allah wa ta'ala, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera, Inch'Allah wa ta'ala, demain, l'explication de cette épître. À la même heure, Inch'Allah wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونسجد ما إن شاء الله تعالى حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته